Section 19. Chapitre 19. Monsieur de La Hérodière resta un moment abasourdi. Depuis longtemps, il s'attendait à une explication avec son neveu, et à l'avance, il s'était bien des fois demandé ce qu'elle serait. Il avait prévu ce que Georges dirait, et il avait arrangé, au moins pour les points principaux, la réponse qu'il lui ferait. Mais la réalité se trouva bien loin de toutes ces combinaisons. Comment ? C'était dans la bouche de Georges qu'il trouvait ses propres paroles. On lui prenait son rôle. Les objections qu'il avait à opposer au mariage, c'était Georges qui les lui faisait. Tout d'abord, quand après son préambule entortillé, Georges avait commencé à aborder la question, M. de La Hérodière avait cru à quelque artifice de langage, à quelque préparation adroite, qui n'avait pour but que de l'abuser. Il s'était tenu sur ses gardes, attendant la conclusion. C'était un avocat qui parlait, c'était un homme habile et retors. Il ne fallait pas se laisser tromper. Mais non, il n'y avait pas de tromperie dans ses explications, et la conclusion découlait naturellement des objections mises en avant. Elle était précise, cette conclusion. « Votre fils, je l'aurais été avec joie. Un gendre, je ne veux pas l'être. » Cela était clair. Il n'y avait pas à interpréter ses paroles. Elle disait ce qu'elle voulait dire. Georges renonçait à son mariage avec Charlotte. Lorsque M. de La Hérodière comprit bien cette nouvelle situation et vit toutes ses conséquences, il se sentit envahi par un mouvement de joie qui le souleva. Quelle délivrance ! Plus de luttes à soutenir ! Vivement, il tendit la main à Georges. « Ah, mon cher enfant » dit-il. Et, lui serrant chaudement les mains, il répéta, sans trouver d'autres paroles, « Mon cher enfant ! Mon cher enfant !» Mais Georges ne se prêta pas de très bonne grâce à cette expansion. Ce sentiment de joie qui se montrait si franchement n'était pas, en effet, pour le flatter dans son orgueil. C'était un aveu un peu trop vif. On était trop heureux d'être débarrassé de lui. Son oncle redoutait donc bien terriblement son mariage, qu'il paraissait si heureux de sa rupture. Il allait ouvrir les lèvres pour dire vertement combien cette satisfaction si peu déguisée était outrageante pour lui, lorsqu'il vit l'expression du visage de son oncle changer subitement. Après le premier trouble de joie, la réflexion était venue pour M. de La Hérodière. Après avoir pensé à lui, il avait pensé à Charlotte. Cette rupture le remplissait de joie, lui, mais elle, la pauvre enfant, qu'allait-elle éprouver en l'apprenant? Elle aimait son cousin, quelle douleur! Que faire? Il ne pouvait pourtant pas, après avoir pendant si longtemps désiré cette rupture, l'empêcher maintenant. Il ne pouvait pas demander à Georges d'épouser sa fille quand c'était Georges lui-même qui la refusait. Il ne pouvait pas dire à celui-ci qu'il avait confiance en lui pour assurer le bonheur de son enfant, alors précisément qu'au fond du cœur, il était plein de défiance. Il ne pouvait pas l'adopter pour son fils quand, pendant 5 années, il n'en avait pas voulu pour son gendre. D'un autre côté, cependant, il ne pouvait pas souffrir non plus que la nouvelle de cette rupture vint frapper brutalement Charlotte. Mais comment empêcher cela? Ce n'était pas à lui à dire tout haut les sentiments qu'il avait cru lire dans le cœur de sa fille. « Eh bien, mon oncle, qu'avez-vous donc ? » demanda Georges, curieux de savoir comment le vieillard avait subitement passé d'une joie si éclatante à une préoccupation si sombre. « Je réfléchis. Vous êtes fâché contre moi, à cause de ma franchise ? Fâché contre toi ? Non, je te le jure. Et à vrai dire même, ce n'est pas à toi que je pense, en ce moment. Ni à moi, d'ailleurs. Toi et moi, nous avons désormais une situation définie l'un vis-à-vis de l'autre. Par ce que tu viens de faire, tu t'es acquis ma reconnaissance et mon estime. Ta détermination est celle d'un honnête homme. C'est à ma fille que je pense, en ce moment. Charlotte ? Oui, Charlotte, car enfin, nous sommes trois dans cette affaire. Toi, moi et elle. Ou plus justement, elle d'abord, et nous ensuite. Je me demande comment lui annoncer la rupture de ce mariage, car je dois te dire qu'à mon retour de Paris au mois de février, j'avais cru devoir lui faire connaître le projet arrêté d'entre nous. Je lui ai dit alors que ta tante avait désiré un mariage entre elle et toi, que de mon côté, j'avais exigé que ce mariage ne se décidât que quand elle serait en état, par l'âge et la raison, de savoir ce qu'elle faisait. Enfin, que, le moment de cette décision approchant, je la priais de voir, pendant le séjour que tu ferais près de nous aux vacances, si elle croyait pouvoir t'accepter pour son mari. Puis, je dois te l'apprendre, je lui avais fait part de mes préventions contre toi, en lui demandant de les examiner, et de voir par ses propres yeux si elles étaient ou n'étaient pas justifiées. Vous voyez, mon oncle, combien je me suis peu trompé en jugeant que vous m'étiez hostile. C'était mon droit, c'était mon devoir d'éclairer ma fille, en appelant son attention inexpérimentée sur ce que je considérais comme un danger pour son bonheur. Quand j'ai exigé une épreuve qui devait durer un certain nombre d'années, je n'ai pas pris l'engagement de garder la neutralité pendant ce temps, et cependant je l'ai strictement observée tant que cela a été possible, c'est-à-dire tant que j'ai cru que ce mariage pouvait se faire. C'est seulement quand j'ai été convaincue qu'il y avait entre toi et moi, dans nos idées, dans nos croyances, dans notre manière enfin d'envisager la vie et de la diriger, une incompatibilité radicale qui, comme tu le disais tout à l'heure, avait creusé entre nous un fossé que chaque jour écoulé rendait plus large et plus profond. C'est seulement alors que j'ai cru devoir prévenir ma fille des obstacles qui, selon moi, pouvaient empêcher votre mariage. Et encore l'ai-je fait avec la plus grande discrétion, ne disant point tout ce que j'avais à dire. Elle est donc prévenue. Je comprends qu'il eût été plus commode qu'elle ne le fût pas. Si elle n'avait pas connu le projet de mariage, il eût été inutile de lui apprendre que ce projet était abandonné. Mais à qui la faute ? C'était une précaution. On pêche souvent par excès de précaution. Mais enfin, il me semble qu'il n'y a pas là une difficulté sérieuse, puisque vous avez prévenu Charlotte qu'une épreuve m'était imposée. Vous n'avez qu'à lui dire maintenant que cette épreuve ne m'a pas été favorable. C'est là précisément qu'est la difficulté qui me gêne. Je crois vous comprendre, mon oncle, et je veux tout de suite vous rassurer en vous disant que d'avance je suis certain que vous ne parlerez de moi à Charlotte que dans des termes qui n'altéreront pas notre amitié. Vous insistiez tout à l'heure sur la discrétion avec laquelle vous lui aviez confié vos préventions. Je suis convaincu que vous aurez la même discrétion en lui signifiant votre jugement. Quoi de plus facile d'ailleurs en vous appuyant sur la différence de principe ? De ce que je ne pense pas comme vous, il ne résulte pas que je suis un misérable. Une femme comprendra cela parfaitement, Charlotte surtout. C'était bien de cela vraiment que M. de la Hérodière avait souci. C'était bien son neveu qui le préoccupait. Il ne répliqua pas. Que pouvait-il dire ? Son angoisse en pensant à la douleur de Charlotte. Mais il fallait précisément la cacher, cette douleur. Il fallait que Georges ne pût jamais supposer qu'il avait été aimé de sa cousine. Comment arriver à cela ? Charlotte était incapable de dissimuler ses sentiments. Elle était la franchise même. Lorsqu'il lui aurait appris que son mariage avec Georges était rompu, il y aurait une explosion de désespoir. Georges le verrait, ce désespoir. Il le lirait dans ce regard limpide et pur qui ne saurait pas se voiler. Ces douleurs de la famille doivent être secrètes. Que Charlotte pleurât dans ses bras librement, ce serait cruel pour lui. Mais au moins, il n'aurait pas la honte de voir le secret de sa chère enfant livré à la vanité de celui qui arrachait ses pleurs. Sa détermination s'arrêta. « Je pense que tu sentiras, » dit-il en relevant la tête et en regardant son neveu en face, « que cette rupture nous place tous dans une situation délicate. Moi plus que tout le monde, mon oncle, car elle rompt des espérances longtemps caressées. Et après m'être habitué à voir en Charlotte ma femme, me voici contraint à une réserve qui m'est douloureuse, je vous l'assure. Je veux dire que cette situation est délicate pour un moment, car si tu n'es pas mon gendre, tu ne cesses pas d'être mon neveu, et par ce que tu viens de faire, tu t'es acquis des droits nouveaux à ma tendresse. Tu me comprends ? Je le crains. Je veux dire ceci, ou la rupture de nos projets doit demeurer secrète entre nous deux, ou si je la communique à Charlotte, tu dois abréger ton séjour près de nous. Ah, mon oncle ! Note bien, mon cher garçon, que je ne te renvoie pas, et que je peux très bien annoncer cette rupture qu'après que tu seras retourné à Paris, et rien ne presse, après tout. » Et à cette pensée de gagner du temps, M. de la Hérodière se sentit soulagé. « Rien ne presse, rien ne presse » répéta-t-il. Georges, à son tour, garda un moment le silence et parut réfléchir profondément. Son regard, qui d'ordinaire ne restait jamais fixe une seconde, allant sans cesse d'une chose à l'autre, son regard s'arrêta. Évidemment, il était sous le poids d'une préoccupation sérieuse. « Mon oncle, dit-il enfin, je suis d'avis qu'il ne faut pas laisser languir les situations douloureuses. Plus elles traînent, plus la résolution qui doit les faire aboutir est cruelle à prendre. J'ai beaucoup souffert avant de me décider à cet entretien. Je souffrirais beaucoup encore si chaque jour j'avais à balancer mon départ. Je partirai donc demain. Demain ? Oui, mon oncle, demain. Justement demain, nous devons faire avec Narbanton une promenade jusqu'à la Roche-Bernard. C'est une course qui prendra toute la journée. Vous la ferez sans moi, quand vous rentrerez le soir à la crique, je ne serai plus ici. » Mais mon pauvre garçon, interrompit M. de la Hérodière, qui se sentait pris de pitié pour son neveu, ne me parlez pas ainsi, mon oncle, car je ne partirai jamais, et je vous demanderai même de ne pas accepter la nomination que je viens de consentir. Laissez-moi toute mon énergie. » Sans répondre, M. de la Hérodière se contenta de serrer la main de Georges. Voilà comment je comprends ce qu'il y a à faire, continua celui-ci. Je ne dirai à personne, bien entendu, que je ne dois pas vous accompagner, mais au moment de m'embarquer avec vous sur le Bourguignon, je prendrai le prétexte d'un malaise pour rester ici. Vous vous arrangerez pour que la promenade se fasse quand même. Aussitôt que vous serez en mer, je me ferai conduire à Vannes avec le char à banc. Oui, dit M. de la Hérodière, cela vaut mieux ainsi. Alors je parlerai à Charlotte. Si vous voulez, je peux même vous laisser une lettre qui vous donnera les raisons de mon brusque départ. Vous la trouverez en rentrant. Oh, mon pauvre garçon, on est vraiment fort quand on a la volonté. Si vous le permettez, j'écrirai en plus à Charlotte. Oui, écris-lui. Ah, tu es un homme. Maintenant, mon oncle, laissez-moi rentrer à la maison et arrangez-vous pour que Charlotte ne sache pas que nous avons passé ici une heure en tête à tête. Fin de la section 19.